Togo, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 24 octobre 2018. Voici les grands titres de cette édition, de cette soirée. Le facilitateur dans la crise burundaise annonce pour ce jeudi le début des travaux de la 5e session du dialogue inter-burundais après les consultations qu'il a eues avec les différentes délégations présentes à Arusha, avec ou sans les représentants du gouvernement ni ceux du parti au pouvoir qui ne sont pas encore là. Une note verbale a été envoyée ce mercredi à Bujumbura pour lui demander sa participation à cette session. Nous tenterons d'entrer en contact avec notre envoyé spécial à Arusha. Un analyste politique nous dira qu'il n'attend pas grand-chose de cette session du moment que le facilitateur provient de la même communauté géographique que les partis en conflit et que donc il y a des intérêts communs qu'il ne peut pas sacrifier, vous l'entendrez. Et la télévision satellite a été mise en service ce mercredi à Gatumba en province Bujumbura. Le projet de coopération Chine-Afrique concerne 10 000 villages africains et permettra aux populations rurales de découvrir des nouveautés et de s'ouvrir au monde. Et certains enseignants réclament leur réintégration à l'expiration de leur mise en disponibilité pour études. Ils se plaignent contre les directions provinciales de l'enseignement qui ne veulent pas donner suite aux affectations reçues du ministère de l'Éducation. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire dans les titres, le projet accès à la télévision satellite permettra à la population rurale bénéficiaire de découvrir des nouveautés, leur ouvrira de nouveaux horizons. C'est ce qu'a déclaré ce mardi Li Shanglan, l'ambassadeur de Chine au Burundi, lors des cérémonies de mise en service de la télévision satellite du village de Gatumba en province de Bujumbura. Le ministre de la Communication et des Médias, dans son discours, a demandé à la population bénéficiaire de prendre soin de ses équipements. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. C'est mon mari. Les élèves de l'une des classes de l'école fondamentale de Gatumba sont en train de regarder un film sur la chaîne Kung Fu ce mardi lors des cérémonies de la mise en service de la télévision satellite du village de Gatumba dans le cadre du projet Accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains au Burundi. Comme le dit Li Changlin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi, le projet a été initié à l'occasion du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg en Afrique du Sud, c'était en 2015. Il dit que pour le cas du Burundi, 300 villages ont bénéficié de ce projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet susmentionné, nous avons, en concertation avec les autorités burundaises, ciblé 300 villages bénéficiaires et répartis dans 17 provinces burundaises. Et tous les travaux se sont terminés dans de bonnes conditions. Notre projet va offrir aux familles rurales de nouveaux horizons, leur apporter de nouveautés dans leur vie quotidienne et leur faire bénéficier des résultats concrets de la coopération. Le gouverneur de la province de Bujumbura, Nadine Gachuti, se réjouit de ce projet et dit que la population de sa province en bénéficie déjà. La population bénéficiaire en profite pleinement et a accès à l'information internationale en général et nationale en particulier. Surtout, les images diffusées par la RTNB sont nettes et claires. Je remercie la République populaire de Chine qui a accordé au Burundi ce don précis en matière de l'information et des médias. 20 ménages bénéficiaires des décodeurs antennes paraboliques par village se sont avérés peu nombreux par rapport à la population globale détentrice de services non connectés aux satellites. De plus, les chaînes de télévision contenues dans le bouquet de Star Time ne diffusent pas beaucoup de matchs de football, alors que c'est le domaine qui intéresse beaucoup la jeunesse. C'est ainsi que nous vous demandons, excellent monsieur le ministre, de plaider encore une fois de plus pour que ces défis dont je viens de citer soient levés. Frédéric Nahimana, ministre de la Communication et des Médias, dans son discours, demande à la population bénéficiaire de prendre soin de ses équipements et de les utiliser pour leur épanouissement et leur développement. Quant au représentant de la société Star Times qui a exécuté ce projet, 10 000 autres villages bénéficieront du même projet dans l'avenir. Gertrude Mawenayo, également dans l'actualité, c'est la présentation ce mercredi des réalisations trimestrielles du Conseil national de la communication. Nestor Bangomukunzi, président de ce conseil, a déclaré que les médias burundais ont essayé de respecter la loi régissant la presse au Burundi, même si quelques manquements professionnels se sont observés. Il a expliqué que concernant les médias qui seraient plus monitorés que d'autres, Nestor Bangomukunzi a expliqué que c'est parce qu'ils sont beaucoup plus écoutés que d'autres. Il demande à tous les journalistes de veiller au respect de la loi. Suivez. Nous avons constaté que travaillant au Burundi, on a enregistré des succès et nous les avons félicités et nous les avons encouragés à continuer sur la même lancée. Mais malgré cela, nous avons également constaté qu'il y a eu des manquements, des fautes professionnelles qui ont été commises par certains organes de presse. Nous avons donc profité de l'occasion pour leur prodiguer des conseils. Premièrement, nous leur avons demandé de maîtriser eux-mêmes la loi en tant que responsables des médias et de la vulgariser auprès des différents journalistes, réalisateurs et producteurs d'émissions pour que personne ne pêche par ignorance. Deuxièmement, d'assurer un encadrement de proximité des différents personnels, des journalistes et pourquoi pas des techniciens de la communication pour qu'ils puissent désormais être à leur côté tous les jours et tout le temps pour éviter qu'il y ait des erreurs. Troisièmement, nous leur avons demandé d'agir en synergie, notamment pour assurer la formation des journalistes. Nous avons un ferme espoir que progressivement, nous allons nous améliorer pour pouvoir affronter avec lucidité, savoir-faire avec tact la période électorale qui, comme le passé nous l'a déjà montré, pose des difficultés en matière de couverture médiatique. Et de cette manière-là, on se sera préparé pour aborder la période électorale en vue en étant assez outillé pour éviter les erreurs du passé. Les médias qui sont plus suivis que d'autres par le public sont aussi suivis par le Conseil national de la communication. Et ils ont beaucoup de prestations, des produits médiatiques qui sont très consommés. Ils sont censés avoir un impact direct au sein de la société. Bien sûr, il n'y a pas un seul médium qui ne soit pas suivi, monitoré par le Conseil national de la communication. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Certains enseignants ayant demandé la mise en disponibilité pour continuer leurs études se plaignent qu'après avoir terminé ces études, ils n'ont pas été réintégrés dans leurs fonctions. Ils expliquent que même les directions provinciales de l'enseignement n'ont pas donné suite aux affectations reçues du ministère de l'Éducation. On fait le point avec Vestine Boutoui. Ces enseignants qui ont demandé la mise en disponibilité pour continuer le deuxième cycle des études universitaires à l'Institut de la Pédagogie Appliquée, IPEA, et à l'École Normale et Supérieure, NS en sigle, disent qu'après avoir terminé leurs études, ils ont demandé la levée de la mise en disponibilité et par après, le ministère de l'Éducation leur a accordé la lettre de réinsertion dans leurs fonctions. Mais que la dite lettre n'a pas eu d'effet à l'endroit des directions provinciales et d'enseignement, selon l'un d'entre eux. Ça fait 3 ans après mes études, je suis dans la rue puisque depuis juin 2015, on m'a donné la lettre de réintégration, mais l'exécution n'a pas eu lieu. Chaque fois que je demande l'application, on me dit qu'il n'y a pas de place, on me dit d'attendre toujours, on me dit aller consulter le DPE, c'est lui qui sait là où il y a des places, mais je ne sais pas pourquoi on me l'envoie chez le DPE. Ce qui est déplorable pour eux, c'est qu'ils sont exclus des bénéficiaires de l'emploi dans le domaine de l'enseignement. Même ceux qui se hasardent à passer les tests de sélection se retrouvent retirés sur la liste quoi qu'ils aient une bonne note, ajoute l'autre d'entre eux. Le comble de Malé et le gouvernement, j'ai engagé de nouveau au ministère de l'Éducation, mais on a fixé des critères, nous écartant, nous disent que nous ne sommes pas autorisés de postuler parce que nous avons des matricules. Aujourd'hui même, on nous a convoqués au ministère de l'Éducation pour nous informer toutes les personnes concernées par les cas de réintégration. On nous a dit que les personnes qui ont demandé des mises en disponibilité pour aller continuer les études ne sont pas concernées, mais ceux qui vont être réintégrés sont enseignants, les détachés et les personnes élargies. Mais nous, que nous devons aller contacter encore les DPE. Ceux-ci, qui étaient jadis enseignants, demandent aux autorités habilitées de les réintégrer dans leurs fonctions, comme prévu par la loi régissant le statut général de la fonction publique du Burundi. Ce que nous demandons au gouvernement, parce que le gouvernement il savait bel et bien où nous étions. C'est le gouvernement qui a ouvert le second cycle à l'école normale supérieure. Il nous a donné cet accès d'aller étudier pour améliorer nos connaissances. Nous voulons que le gouvernement nous retourne au travail pour que nous puissions travailler convenablement. Ils affirment qu'il y a des places vacantes dans l'enseignement suite à la mort ou à la désertion, mais qu'ils n'ont pas droit d'accéder à ces places. Vestine Boutoyé, l'accès à l'éducation pour un plus grand nombre possible, la qualité des apprentissages et la gestion et le pilotage du système éducatif sont les unes des réalisations trimestrielles du ministère de l'Éducation. Comme l'a dit ce mercredi le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation lors de la présentation du bilan trimestriel de l'année scolaire 2018-2019. Selon Herménégil de Bouricouquillé, 13 établissements scolaires ont bénéficié d'un éclairage des plaques, par des plaques solaires. Suivez Herménégil de Bouricouquillé. Le plan d'action du ministère de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle se décline en 7 objectifs principaux, à savoir le renforcement de la bonne gouvernance administrative, l'amélioration de la qualité des services, le renforcement de la coordination sectorielle, l'amélioration de la qualité des apprentissages, l'amélioration de la qualité des apprentissages, l'amélioration des conditions d'apprentissage, la lutte contre la corruption pour la culture de la transparence et de la redevabilité et l'évaluation nationale des acquis scolaires. Les 6 objectifs concourent à la réalisation de 4 piliers opérationnels qui fondent le secteur de l'éducation, à savoir, premièrement, l'accès de l'éducation au plus grand nombre possible d'enfants, deuxièmement, la qualité des apprentissages, troisièmement, la gestion et le pilotage du système éducatif et enfin l'évaluation des acquis scolaires. Au titre de l'amélioration de l'accès, signalons les réceptions provisoires de 99 salles de classe construites sur 117 attendues. Le reste est aussi en cours de finalisation. Deux chantiers de 18 salles de classe sont en cours respectivement à Mwendo, en province Kirundo, et Gasekebouye, en mairie de Bujumbura. La réception définitive des systèmes d'éclairage installés dans 14 écoles fondamentales construites avec l'appui de l'UNICEF dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga. Je vous l'avais dit dans les titres, l'ouverture de la 5e session du dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha n'a pas eu lieu comme c'était prévu ce mercredi. Le conseiller principal du facilitateur Mkapa a indiqué dans un point de presse tenu cet après-midi qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse formelle de la part du gouvernement burundais. Si oui ou non, ils répondront à leur invitation. Mais ils ont décidé de continuer à travailler avec ceux qui sont présents sur place. Et l'ouverture a été reportée pour demain. Depuis Arusha, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial, Francine Ndehokugayo. Vous voudrez bien nous excuser. L'élément, apparemment, il y a de petits soucis techniques avec la technique pour joindre Francine Ndihokubgayo qui se trouve à Arusha pour la rédaction. On suit Francine Ndihokubgayo. Cette 5e session du dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha en Tanzanie a vu la participation des membres et des partis de l'opposition vivant en exil et au Burundi. L'ouverture officielle de cette session, qui était prévue ce mercredi, a été reportée pour ce jeudi matin. D'après le conseiller principal du facilitateur Benjamin Mkapa, l'ambassadeur David Mieye Kapia, il s'exprimait lors d'un point de presse animé l'après-midi de ce mercredi. Il a indiqué que les autorités burundaises absentes à cette session n'ont pas donné de réponse formelle, mais que les travaux continuent malgré tout. Les consultations ont démarré ce matin. Le facilitateur a eu un petit déjeuner de travail avec quelques participants. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas une réponse formelle de la part du gouvernement. Donc, le facilitateur a cru utile de demander à ceux qui sont présents ici de commencer à travailler déjà, mettre leurs idées sur papier pour que nous puissions aller de l'avant. Charles Nditije, un des participants à ce dialogue inter-burundais, estime que si aujourd'hui le gouvernement burundais ne répond pas aux invitations de la facilitation, c'est que, en quelque sorte, il a échoué. Le gouvernement a encore une fois brillé par son absence. On négocie à deux, donc en clair, il n'y a pas de négociation. Donc le gouvernement vient de montrer à la face du monde qu'il n'entend pas négocier. Nous avons démontré que cela est dû non seulement au manque de volonté du gouvernement de Bujumbura, mais également parce que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas appuyé la facilitation, n'ont pas suffisamment mis de pression sur le pouvoir de Bujumbura. Et quelque part, ils emportent également une responsabilité. Donc nous disons qu'il n'y a pas de négociation en vue. Alors que faire? Nous avons dit, prenez acte de votre échec. Par conséquent, déposez votre tablier pour que les autres puissent prendre la relève. Parce que parler dans le cinquième round, en dernier, alors qu'il n'y a jamais eu de négociation, on ne s'est jamais assis ensemble pour discuter de tous les points à l'agenda. Donc quelque part, s'il y a cinquième dernier round, ça veut dire que la sous-région va déposer le tablier. L'on notera aussi, à cette cinquième session du dialogue inter-burundais, la présence de deux anciens chefs d'État, Domitien Ndayizeye et Sylvestre Ntibantunganya. Depuis Arusha en Tanzanie, Francine Ndiokubgayo pour la radio Isanganiro. Merci Francine. Et pour un analyste politique, aussi longtemps que le dialogue se tiendra dans un pays membre de la même communauté que le Burundi, des résultats ne seront pas satisfaisants. En l'absence du gouvernement et du parti au pouvoir, Zeno Ndayisenga trouve qu'un vrai dialogue ne va pas avoir lieu. Il demande aux parties prenantes de préserver l'intérêt de la population. Suivez l'analyse de Zeno Ndayisenga au téléphone avec Placide Niyomwongere. Les Burundais devraient savoir d'avance qu'il n'y aura aucun beau résultat dans les négociations qui se déroulent en Tanzanie. Et cela, pourquoi? Premièrement, pour que les négociations soient rapides et finies, ça dépend de l'habileté et de la personne qui est choisie comme médiateur. Je doute fort que l'ex-président de la Tanzanie, Mkapa, serait considéré comme président Julius Nyerere et Mandela, qui ont forcé le gouvernement de Buyoya et son opposition à signer les accords d'Arusha. Mkapa, lui aussi, il fut à la tête de l'État. Quelle différence y a-t-il là? Auparavant, le Burundi n'était pas un des États membres de la communauté de l'Est d'Afrique. Et actuellement, le Burundi est un État membre. Mkapa, lui aussi, en tant que médiateur, il y a des choses qu'il ne peut pas détruire. À vous entendre, il faudrait placer ce dialogue dans un pays autre qu'un pays de la communauté est-africaine. Mais aussi, il faut choisir un autre médiateur qui vient dans un autre pays. Il y a une partie qui plaide pour le rapatriement de ces dialogues au Burundi. Est-ce que ça pourra tenir autre que penser pour d'autres pays? À ce moment-là, ça sera sûrement le gouvernement qui va décider. Cela va faire un dialogue du gouvernement seul, mais pas le gouvernement avec l'opposition. L'absence du gouvernement signifie aussi l'absence des négociations, car si l'un de deux parties est absent, on ne peut aboutir à rien. Et le CNDD devrait suivre le même pas. Ce que je conseillerais au gouvernement est qu'il faudrait se présenter pour ne pas avoir la porte à son opposition, à faire des commentaires de toutes sortes qui soient négatifs. Ce que je peux conseiller pour tous les deux côtés, l'intérêt de tous les Burundais devrait être primordialement pris comme premier avantage à tous. Voilà, c'était l'analyse de Zeno Ndayisenga au téléphone avec Placide Niyomwongere. Et un problème de suivi des coopératives minières sur terrain par les administratifs impliqués dans leur gestion. Voilà les problèmes freinant l'augmentation de la production et recettes provenant de ce secteur. Ceci a été évoqué ce mardi lors d'une rencontre entre le ministre de l'Énergie et des Mines et le personnel de l'Office burundais des Mines et Carrières. Si suivi il y avait, l'on ne serait pas amené à arrêter les activités des coopératives, a précisé le ministre Komman Irakiza. Lors de cette rencontre, des chefs d'antenne ont signalé que l'exploitation des carrières continue à certains endroits. L'exemple donné dans cette réunion a été le cas de la commune Michiha en province de Changhuzo, où les activités d'exploitation des carrières ont continué bien que arrêtées dès le début de ce mois. Certains des chefs d'antenne ont fait part de l'implication de l'administration dans les activités des coopératives opérant dans le secteur des carrières. C'est vrai, vous tenez des réunions à notre égard ainsi que l'administration, mais au moment de l'exécution, la collaboration n'est pas là. Jusqu'aujourd'hui, même si les travaux ont été arrêtés, lorsque nous faisons des contrôles, nous rencontrons des bennes pleines de carrières, nous les suivons et trouvons que ça vient de telle ou telle autre commune. Mais si on appelle un commissaire ou un administrateur, ils disent ne rien savoir. Nous, nous avons des observateurs, ils nous rapportent, mais l'administration le nie. L'implication de l'administration dans la gestion de ces coopératives est effective ici et ailleurs. Sur cette préoccupation, le ministre de l'Énergie et Mines a tenu à rappeler qu'un fonctionnaire de l'État ne peut en aucun cas être membre d'une coopérative. Une de ses interrogations, c'est pourquoi aucun travailleur n'a pointé du doigt une coopérative travaillant illégalement. À ma coopérative, voilà des procédures. La loi est claire. Aucun fonctionnaire de l'État ne peut être membre d'une coopérative quelconque. La raison est simple. S'il survient un problème au sein d'une coopérative, un fonctionnaire impliqué ne peut pas le résoudre. Il faut également faire une distinction. Accorder une licence à une coopérative est une chose et la retirer en est une autre. Par ailleurs, pourquoi personne n'est encore venu accuser telle ou telle autre coopérative qu'elle travaille dans l'illégalité? Donc, je vous retourne la question. Lors de cette rencontre, le ministre Komemani Rakiza a également relevé un problème de suivi des coopératives sur terrain. L'Office burundais des mines et carrières OBM a débuté ses activités en décembre 2016 et les coopératives exploitant les carrières sont passées de 29 à 124, celles exploitant de l'or sont passées de 7 à 60, alors que les coopératives exploitant le coltan, la cassiterite et le wolframite, communément appelées les 3T, sont passées de 16 à 102. Merci Mireille Kanyangé, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ce journal a été mis en onde par Benoît Morichonzi, au micro Jean Bosco Douimana. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Une bonne soirée.